Il y a du monde là. Tout le monde est là ou pas? Vous êtes sûr que tout le monde est là? Ouais, il y a Léa, Patrick, Sidonie. Est-ce que Estelle est là? Elle va arriver, Estelle? Bon, tant pis, on va commencer sans elle. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Franck, et comme je suis musicien, j'ai un nom de musicien. C'est Franco Ritmo, parce que, en fait, je fais de la batterie. Vous savez tous ce que c'est qu'une batterie? Bon, super. Et donc, je fais partie d'un groupe de musique qui s'appelle Dragibus. Vous connaissez ou pas? Il y en a qui connaissent, d'autres qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent vont pouvoir chanter des chansons, et puis ceux qui ne connaissent pas vont les apprendre comme ça, et puis on chantera peut-être tous à un moment donné des chansons. Alors, le truc c'est que moi je suis à la batterie, et en fait il y a une chanteuse qui s'appelle Mademoiselle Girafe. Le truc aussi c'est que Mademoiselle Girafe elle est un peu timide. En fait elle est... Je crois qu'elle est juste derrière, mais je ne sais pas le dire. Alors, vous allez tous m'aider à l'appeler, ok? On va compter jusqu'à 4, et on va appeler Mademoiselle Girafe, ok? Vous n'êtes pas très motivé là, hein? Ok? Oui. 1, 2, 3, 4, Mademoiselle Girafe! Mademoiselle Girafe! Mademoiselle Girafe! Ah! Voilà Mademoiselle Girafe. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Oui! Nous allons chanter plein de chansons ensemble. La première chanson s'appelle Barbapou. Elle raconte l'histoire d'un vieux monsieur qui avait une longue, longue, longue barbe dans laquelle il y avait des poux. Ce vieux monsieur habitait dans un village dans lequel il y avait plein d'enfants. Les enfants du village adoraient Barbapou et lui chantaient une chanson. Barbapou! Barbapou! Barbapou! Barbapou! Barbapou! On veut l'appeler ensemble. Barbapou! Barbapou! Barbapou! Barbapou! Barbapou! Barbapou! Barbapou! Petite soie. Mademoiselle Sirop qui fait ce bruit là? Non, c'est pas moi. Monsieur Pingouin, quand on joue en groupe, on démarre ensemble. Donc on va... En fait, je vais compter jusqu'à 4 et à 4, on commence ensemble, ok? J'ai dit 4. Après 4 temps. Bon, il n'a pas l'air de savoir compter jusqu'à 4. C'est pas très grave, mais non. Les enfants, vous allez nous aider à compter jusqu'à 4, comme ça on va pouvoir commencer tous ensemble, quoi. Oui. Tout le monde sait compter jusqu'à 4. Oui. Bon, vous êtes prêts? Et maintenant une chanson qui parle d'escargot. En fait, je vais vous choisir dans le public, hein. dormir. Prends le quotidien. Allez. Tout à l'heure, je vais peut-être pas. Est-ce qu'il y a des bons verres pour faire la chanson de la grenouille? Hey, tu vas faire la chanson de la grenouille sur la scène? Il y a peut-être des petites grenouilles. Et toi, tu veux y aller? Faire la chanson de la grenouille, là-bas. On va commencer par la petite grenouille. Quoi? Objectivement. Est-ce qu'il y a une petite grenouille? Il y a beaucoup de crapauds, là-bas, mais des grenouilles. Marionnettes. musicien. Russe? Oh! Il veut pas un éternueur, là? chanson que vous connaissez tous, qui s'appelle La souris verte. Donc on va pouvoir chanter tous ensemble. Mais attention, La souris verte avec Monsieur Pingouin n'est pas très facile à chanter. Allons-y, on va essayer. Petit bossu. Il y en a qui la connaissent ou pas? Alors, ce qu'il a de particulier, le petit bossu, c'est qu'il a une toute petite voix. En fait, ça fait un peu comme ça, sa voix. Il parle comme ça, le petit bossu. Oui, mais il n'aime pas qu'on se moque de lui. C'est vrai, ça. Bon, vous êtes prêts pour la chanson des petits bossus? Oui! Alors, on y va. Dans un petit bossu, j'ai juste une clé. Il n'y a jamais sa porte en l'air. Quand il arrive, je suis là. Thank you. La chanson est pas une petite chanson. Voilà. Thank you. Eh ben, dis donc. Est-ce qu'on les a appelés? Est-ce qu'on les a appelés? Oui. Oui. Thank you. monsieur Perlimou. Je continue à jouer alors qu'il ne paille que le long du corps. Non, c'est pas moi, c'est le pingouin. Éliminé. Je continue avec monsieur le pingouin et les enfants. Attention. Thank you.